l'intégration, ça n'est pas une fusion. Les établissements toulousains qui sont engagés dans le processus ne veulent pas d'une fusion. Une fusion, c'est un seul établissement avec un conseil d'administration, un CAC qui assume toutes les fonctions qu'assument aujourd'hui nos instances. Une fusion, c'est un système où les composants qui acceptent de fusionner perdent leurs instances, et toutes ces instances-là remontent à l'échelle de l'établissement. On n'est pas du tout sur ce modèle-là. On est sur un modèle plus compliqué, difficile à formuler, y compris parce que pour le moment on n'a pas le modèle juridique. On est sur un modèle de préservation d'entité, donc université, école d'ingénieurs, qui garde la totalité de leurs instances, conseil d'administration, commission recherche, etc. Et à l'échelle de l'université de Toulouse, il y a un conseil d'administration stratégique, c'est-à-dire qui cadre les grandes orientations. Et donc là, il y a deux questions qui sont difficiles. Il y a la question de la subsidiarité, qu'est-ce qui reste à l'échelle des instances, et puis qu'est-ce qui monte à l'échelle de l'université. Donc première question, et comment s'organise le dialogue entre les instances de l'université et les instances des différents composants. Dans ces composantes, pour le moment, quatre, on verra, les deux universités, deux écoles d'ingénieurs. Les écoles d'ingénieurs, pour le moment, garderaient leur personnalité juridique et morale pour des logiques, y compris de marque. Les écoles d'ingénieurs ont une marque à préserver. La demande qui a été faite aux universités, alors est-elle renégociable ou pas? Moi, je ne sais pas. C'est d'accepter d'abandonner la personnalité juridique et morale. Et cette question-là, bon, on le voit dans le établissement, elle inquiète parce qu'il y a le sentiment éventuellement qu'on perdra au fond la maîtrise de notre destin. Il faut savoir que c'est peut-être pas si vrai que ça. Donc ça, c'est une vraie question. Donc moi, mon point de vue, il est connu, il est public. Je pense que les questions qui sont posées, en particulier par les personnels aujourd'hui, sont des questions légitimes. On n'est pas en mesure aujourd'hui d'apporter des réponses à ces questions parce que le modèle d'université est à construire et que pour le moment, nous n'avons pas le modèle juridique. Mais ce que je dis moi, c'est que le choix qui se pose à nous, c'est ou d'être membre de l'Université de Toulouse et éventuellement en situation de peser sur la construction des statuts, la rédaction des statuts, la question de la subsidiarité, ou on reste à côté. Et la question qui se pose, c'est dans quelle situation on est en mesure le plus favorablement de protéger nos moyens, de négocier nos moyens. Moi, je pense qu'on est davantage en mesure de le faire dans le cadre d'une université de Toulouse que tout seul, isolé, voilà, et sans capacité de négociation. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur... Vous pensez qu'il faut le coche ? Absolument. Je pense qu'on est dans une situation éventuellement plutôt favorable par rapport à d'autres sites parce que, bon, quand on regarde sur les quatre, ceux qui ont éventuellement le plus de crainte, c'est plutôt les deux écoles d'ingénieurs qui peuvent se trouver confrontées à un modèle universitaire qui n'est pas le leur. Voilà. Donc, première. Et je pense que si on sort de ce système-là, aujourd'hui, et qu'on se trouve comme l'université de Bordeaux ou l'université de Montpellier, moi je vois ce qui se passe pour ces deux universités qui sont comme nous, elles sont plutôt fragilisées. Donc, mais moi quand j'entends Pierre-Yves Boisseau expliquer qu'on a raconté des mensonges dans la salle de classe lors de la consultation, oui, Pierre-Yves Boisseau qui nous a expliqué qu'on a raconté des mensonges dans la salle de classe, on a défendu un point de vue à partir d'une interprétation des textes réellement produits qu'on a analysés, ce qui est notre droit le plus strict en démocratie. Mais je ne peux pas tolérer qu'un enseignant qui par ailleurs est élu au conseil d'administration, certes opposé à notre point de vue, explique qu'on ment aux étudiants. Parce que je pense pas qu'on mente aux étudiants. On donne un point de vue, on exprime. Bien sûr. Mais dans ces cas-là, on peut vous retourner la même chose. On peut dire les enseignants diffusent des mensonges. Mais moi, je ne suis pas sur ce terrain-là. On n'est pas en cours de récréation, celui-ci ment, celui-ci écrit, etc. Donc, moi, j'ai menti à aucun étudiant. Moi, j'ai dit, il y a des textes qui ont été écrits. Le risque avec ce qui est écrit, c'est ça. Et je le maintiens, je pense qu'il y a des risques. Parce que quand on fait sauter le cadre légal d'une université soumise au code de l'éducation, la porte est ouverte à beaucoup de choses. Bien sûr que le risque, dans l'absolu, il existe. Et quelle garantie la on se donne, voilà. Quelle garantie on se donne. Et là, au moins, je ne peux pas être d'accord avec vous, vous savez. C'est l'idée que ça va nous tomber dessus. Non, on sera aux manettes. Donc, c'est à nous de les construire. Pour combien de temps? Oui, nous, c'est ça la question. Nous et les suivants, enfin nous, je veux dire. Et ouais, mais c'est là où on a une divergence. Moi, très clairement, pour 2 ans, pas plus, hein, d'accord. Oui, oui. Après, voilà. Taillot. Non, pas taillot, après, limite d'âge, voilà, ouais, tout simplement. Après retraite, c'est un droit acquis de refus, c'est pareil. Merci, pour profiter. Voilà. Non, mais je pense que la question, moi, je trouve que. Si on pose la question en termes d'appréciation du risque, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Voilà. On est à un moment où il y a 2 voies possibles. Voilà. Où est le risque le plus grand? Et c'est là où on n'a pas le même point de vue. C'est-à-dire tout à fait, tout à fait. Mais ça vaut le coup. Mais aussi parce qu'on n'est pas de la même place. Oui, là je suis d'accord. Je peux comprendre qu'étant enseignant-chercheur, merci voire même que dire. CNRS. Non, pas que CNRS. Non, pas pour vous, mais je viens de croiser une enseignante en haut qui n'est que CNRS. Une chercheuse en haut qui n'est que CNRS. Vous êtes CNRS, mais vous donnez des cours. Oui, voilà. Je le sais très bien, il n'y a pas de problème. Mais je peux comprendre que des enseignants-chercheurs, et en particulier ceux du CNRS, et en particulier ceux qui ne sont que sur le versant recherche, disent l'IDEX c'est une aubaine. Je le comprends. Alors, tout à fait. Est-ce qu'on peut se dire aussi... Mais pour la majorité des étudiants, des personnels BIAT, pour une partie des enseignants qui ne sont pas forcément dans les grands programmes de recherche en pointe, parce qu'il y a des priorités fixées dans le dossier Unity 2018, hein, il y en a 6, j'ai bien retenu. Non, vous l'avez mal lu, là. Oui, mais moi j'en ai vu 6. Non, donc, vous avez oublié l'amont des 6 priorités. Oui, bah après, il y a le texte qui précède. Non. Moi, on m'a toujours dit, ce qui est avant les 2 points, non, ça ne sert à rien. Non, mais, non. Soutien à toutes les disciplines, indépendamment de leur... Alors, je ne sais plus quelle est de leur oui. Finalité. Bon, donc c'est-à-dire toutes les disciplines. Oui, non, mais voilà, à ne pas oublier. Sans ça. Savoir comment ces disciplines-là vont peut-être être regroupées, restructurées, priorisées, etc. On n'a pas de garantie c'est là-dessus. 400, voilà. C'est bon. Et donc, mais je... Romain, dans l'action publique, est-ce qu'on peut, ben, indépendamment de la question de l'enseignement supérieur et de la recherche, est-ce qu'on peut, quand on est dans l'action, dire « je n'avance que si j'ai toutes les garanties ». Vous savez bien que ce n'est pas le cas. Vous êtes des universitaires aussi, intellectuels, qui entendaient parler, me semble-t-il, de la mondialisation, d'un monde de plus en plus incertain, etc. Vous savez bien que dans tous les registres de l'action publique aujourd'hui, on doit faire avec l'incertitude. Ce n'est pas étonnant de le retrouver là. Et dernier point sur la différence de position, moi j'assume une fonction de responsabilité, on est d'accord, voilà, aujourd'hui. Donc ça, effectivement, ça modifie mon point de vue. Et moi je dis qu'en toute conscience, assumant cette responsabilité-là, je pense qu'il vaut mieux pour l'établissement, pour le devenir des formations, pour la protection des formations, de la recherche, etc., qu'on soit dedans. Voilà. Donc effectivement, la question du point de vue, vous avez raison, éthique de responsabilité, là, et pour autant que les choses soient claires, je crois que je l'ai dit plusieurs fois, politiquement, je suis une citoyenne comme vous, voilà. Tout et à politiquement, fait, bien sûr. Voilà, les politiques qui sont menées en matière d'enseignement supérieur et de recherche depuis 20 ans, je peux tout à fait être contre. Mais dans la position dans laquelle je suis moi ici, et que ma fonction est de dire qu'est-ce qu'il vaut mieux pour l'établissement, en toute conscience, je dis il vaut mieux être dedans. Ce qui ne m'empêchera pas, par ailleurs, comme citoyenne, Nous aussi, on est responsable quelque part parce que. Juste, Romain, pour terminer là-dessus, pensez que vous avez réglé la question des politiques publiques, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Infléchir le cours de ces politiques en vous mettant et en mettant l'établissement hors de l'IDEX, c'est là, à mon sens aussi, où vous faites une erreur d'analyse. Voilà. C'est pas parce que nous serons le village gaulois qu'on va modifier l'inflexion. Le village gaulois dans le 2e pôle de recherche en France, et dans la 3e ville étudiante de France. Moi, j'y crois pas à ça. À tous les scénarios catastrophistes qui disent si on n'est pas dans l'IDEX, il y a plein de financements qui tomberont plus. les formations seront. Mais c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous a dit là à l'instant. C'est ce que je l'entends régulièrement. L'IDEX. Si on n'est pas dedans, c'est la catastrophe. Non, on est une université de second rang. C'est, ça, c'est vous, alors, ça, vous l'avez écrit, pour le coup. Oui, mais je on sera une université de second rang si on n'est pas dans l'IDEX. Ça veut dire quoi de second rang, Mme Thuaillet? Je vous dis pourquoi. Les enseignements, ils ne sont pas de qualité en cette université. Vous permettez, sur la recherche, moi je parle de la recherche, d'accord? L'IDEX, c'est quoi? C'est un label. On sait aujourd'hui, alors c'est pas arrivé jusque nous, qu'il y a un certain nombre de pays qui, quand ils envoient en mission à l'étranger des collègues, aujourd'hui regardent pour la France les sites avec les archéologues. Et si c'est ça, voilà, les gens n'y viennent pas. À Rangueil, ils commencent à aller. Et ça concerne combien de personnes, ça? Aller à des colloques internationaux, c'est la question. Compagnie. Moi, je suis jamais allé à Kuala Lumpur en colloque. L'IDEX apporte des moyens supplémentaires. Bon, vous le voulez ou non, y compris à des programmes de recherche là, et parfois même. Est-ce que ces programmes sont vraiment excellents d'ailleurs pour vous? Mais moi, je suis. Mais j'ai une vraie question, parce que dans l'IDEX, on le raccourcit souvent, initiative d'excellence. Donc moi, la question que je me pose quand même, c'est au bout d'un moment. Moi, j'ai jamais utilisé le terme excellence. Oui, mais c'est dans l'IDEX. Oui, c'est dans l'IDEX. C'est dans l'IDEX aussi, SMS, ici. Mais regardez comment fonctionne laboratoire d'excellence. Non, moi, la question que je pose, c'est si on prend un panorama sur, en France, les laboratoires qui disposent des labels IDEX divers et variés qui peuvent encore exister. Est-ce qu'on pense que les programmes de recherche de ces laboratoires-là sont si excellents que ça, comparé à ce qui se fait dans d'autres laboratoires? Et je ne suis pas sûr. L'intérêt des fonds IDEX, vous savez bien que le site s'est battu contre une conception de l'IDEX qui consiste à dire il y a un périmètre dans lequel on met les pépites et puis les fonds viennent là. L'idée intéressante pour l'IDEX, pour moi, c'est de disposer de moyens supplémentaires qui permettent en fait une meilleure qualité. Moi, j'ai jamais parlé d'excellence et ici, personne n'a jamais parlé d'excellence. Quand vous regardez le laboratoire, le fameux LabEx SMS, mais regardez. Il est translabo, etc. Il inclut. Je le sais, je connais, il n'y a pas de problème. Ben voilà, donc vous voyez bien que l'IDEX, on peut le porter comme ça et qu'on n'est pas sur la logique du périmètre resserré sur des pépites. La logique en elle-même, elle est problématique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche l'État, le ministère, de dire, bon, je crois que le LABEX ici, c'est 3 millions par an, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est le chiffre. C'était le chiffre qu'on nous avait donné. Bon, peu importe, 3 millions par an depuis qu'il y avait le financement. Donc 3 millions par an. Qu'est-ce qui empêche le ministère de l'enseignement supérieur de dire, bon, eh ben, on décide, dans le budget de l'État, qu'il y a 3 millions par an de plus pour l'UT2 qui ira directement à la recherche, mais c'est là via le CNRS rêvez, ou bien. Romain. Mais c'est pas qu'on c'est rêve, c'est que il y a. Vous nous dites. Mais oui, mais vous avez le droit de l'être. Vous nous dites. Simplement. Non, c'est pas une utopie. Attends, excuse-moi, c'est pas une utopie. Moi, je suis réaliste. Bien sûr. Moi, je suis pragmatique dans l'action. Mais il y a un problème dans la conception. Il y a un problème dans la conception parce que, en réalité, on se plie au chantage parce que c'est comme ça que c'est posé de toute façon. Un système de contraintes. Non, parce qu'on dit, c'est un appel à projet et on vous le retire comme ça du jour au lendemain, sans discussion préalable, on le retire du jour au lendemain. Mais vous savez pourquoi? Si vous ne faites pas ce qu'on nous dit. Voilà, et c'est quand même ça. Si vous ne faites pas ce que vous avez dit, l'histoire de l'IDEX, soyez clair. D'accord. Non, mais soyez quand même honnête jusqu'au bout. Vous savez bien que si on a perdu l'IDEX, enfin quand même, c'est que le site de Toulouse, il a joué un jeu de dupe. On a dit, on fait. Écoutez, à l'époque, j'étais moi VP recherche, au moment du fameux Unity. Bon, on a eu ce fameux dossier, vous le savez, si on refait l'histoire au bout d'un combat compliqué, difficile avec UT1, parce que je vous rappelle que dans les projets initiaux, ce que portait l'Université de Toulouse 1, c'était la création d'une université dite de recherche, c'est-à-dire qu'on restait dans le cadre... Avec des formations étoilées et compagnie, bien sûr. Non, mais pas simplement ça, avec dans cette université de recherche, les formations dites d'excellence, les laboratoires dites d'excellence et les fonds arrivés là. Vous savez qu'il y a eu un combat dur pour dire ce modèle, on n'en veut pas. Bon, on l'a eu, ce dossier IDEX, sur un modèle de gouvernance qui a fait l'objet d'un combat difficile, parce que souvenez-vous qu'à l'époque, UT1, le système de fonctionnement de ce qui n'était pas la commune et de ce qui était le PRES, c'est qu'un établissement, un seul établissement, pouvait bloquer le système parce qu'il y avait un bien droit sûr. De veto. Bien sûr, mais je me rappelle très bien. Les conditions dans lesquelles le compromis s'est fait à l'époque. Donc, compromis insatisfaisant. 2012, on a l'IDEX, changement d'équipe ici, vous le savez, et Paul Sabatier. Dans un changement, dans un contexte de changement gouvernemental, hein, on passe de bon, Pécresse à un gouvernement avec un président Hollande, et donc la négociation sur le modèle de gouvernance se réouvre, on est d'accord. Donc, on a et même inscrite dans la loi. Non, attendez, parce qu'en fait, la loi de 2013, elle impose les regroupements. Romain, il y avait un PRES, on est d'accord, il y avait un modèle de gouvernance au moment où il y a un changement d'équipe dans deux établissements et un changement de gouvernement. Il y a une renégociation avec le ministère sur le fameux modèle de l'université fédérale dans le cadre d'une commune. Si le site toulousain à l'époque et tous les établissements, dont nous et les autres, avaient réellement mis en œuvre l'université fédérale qui était dans le texte, on n'en serait pas où on en est là aujourd'hui. On a perdu l'IDEX. Pourquoi ? Parce que le jour où le jury qui avait, lui, donné l'accord de l'IDEX sur un modèle de gouvernance qui a été renégocié avec le ministère, mais pas validé par le jury, donc ça veut dire aussi que le ministère, là, a une responsabilité. Il n'a pas accompagné le site aussi pour dire cette renégociation, la légitime. Donc voilà, le jury, on mais peut... Mais attendez, on peut accepter... En plus, je connais l'histoire, vous me l'avez... Voilà. Bon, donc vous voyez bien que l'histoire est complexe. Moi, le problème que j'ai, c'est que vous nous dites ça, et puis ensuite, vous conditionnez le fait de récupérer l'IDEX au projet Université de Toulouse, parce que du coup, les deux sont liés maintenant. Oui. D'accord, ça, on peut en convenir. Oui, ça, on peut en convenir. Et le projet Université de Toulouse va plus loin que la réelle mise en œuvre de l'Université fédérale. Ça aussi, on peut en convenir. Il va plus loin en termes d'intégration. Alors, mon point de... Alors, moi, je ne suis pas tout à fait... Moi, je ne suis pas aussi certaine que vous. Je me dis que si l'intégration et pas la fusion permet de mettre en place une véritable université fédérale, c'est-à-dire une logique, en fait, à deux niveaux, voilà, avec un principe de subsidiarité, qu'est-ce qui reste là, qu'est-ce qui manque, on sera sur du fédéralisme, voilà, parce qu'on n'est pas sur un modèle de fusion. Ça, je suis absolument pas d'accord avec ça. Mais je sais bien que vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi ? Parce que plus de liberté de... comment dire ? Un seul CA, un seul non, budget. Pas un seul CA. Mais si, parce que non, c'est comme ça que c'est comme ça que l'organigramme non, il est fait. Non, d'accord non, non, donc, non, non. Après, non, ça c'est pas vrai. Non, mais il y a des conseils qui restent dans ce qu'on appelle les collèges. Enfin, on ne sait pas comment les. Ou je ne sais quoi. Enfin, bon. Mais il n'empêche que la personnalité juridique qui va gérer le budget, la politique générale, la politique d'embauche, la politique de recherche, elle n'est plus ici. Non, mais ça, je suis elle pas est au niveau supérieur. Non, je suis pas donc c'est pas, non. Donc c'est pas du fédéralisme ça pour moi. Non, c'est pas du les instances. En fait, bon, si c'est du fédéralisme. Regardez comment fonctionne la Suisse. Il y a un État fédéral. Regardez le pouvoir confédéral. Des confédéral. Oui, ben confédéral. C'est exactement la même chose. Et ben, l'Allemagne est un État fédéral, c'est un et peu ben, différent. Mais regardez l'Allemagne fédérale. Regardez le poids des Landes. Regardez le poids des Landes, l'autonomie des Landes par rapport à l'État fédéral. Est-ce que vraiment, moi je pense que le modèle qui est aujourd'hui en discussion, il est de cet ordre-là. Il n'est pas sur un je ne vois pas comment il pourrait l'être. Je vois on pas en reparlera. Là, vous m'autorisez à aller. J'ai des gens qui m'attendent, mais je suis prête à rediscuter avec vous, vraiment. Je pense que ça vaut le coup qu'on discute voilà, pied à pied. Et il y a un dernier élément. Vous êtes quand même des intellos. Quand vous lisez l'intello, j'en sais rien. Comme bah si, revendiquez-le. Je suis pas au premier rang de mon groupe de TD. Arrêtez. Quand vous lisez littéralement le dossier, vous en faites une interprétation sur une lecture littérale. Vous savez très très bien. Alors effectivement, il y a une logique à votre position qui est de dire on n'en veut pas. Mais si ceux qui ont rédigé veulent, et s'ils l'ont fait, c'est pour éventuellement l'avoir, le dossier. Évidemment qu'ils parlent la langue du du jury et que moi, dans, il y a, si je prends un certain nombre de formules à la lettre, évidemment qu'elles peuvent m'interroger. Mais je sais bien comment on fait tout ça dans les réponses aux appels à projets. Quand des gens répondent ici à une lettre, à une à une lettre, ils font la même chose. Ils essaient de, bon, bien sûr. Donc vous voyez bien qu'il mais y a les textes. Oui, mais il y a les textes et puis il y a après ce que disent les gens, il y a après ce qui est dit en conseil, etc. Et donc ça précise un peu les choses. Enfin, il y a quand même l'idée qu'aussi, ok, on peut peut-être faire une interprétation plus ou moins large, mais la réalité, c'est que dans les CA, dans les instances institutionnelles, on va avoir 15 patrons en face sur 30 places, et qu'en fait, l'interprétation qu'on va en avoir ça, mais si, on va avoir. Il n'y aura pas 15 patrons. Il y aura 15, alors non, 15 personnalités extérieures, 13 personnalités extérieures sur 30. Et du coup, à 4 étudiants, on va devoir aller devant les patrons. Et essayer de défendre arrêtez notre de vision. Dire les patrons donc mais, ah, s'il y a une grande association Lydie, vous allez le traiter de patron mais l'idée y est si le mot n'y est pas. On sait très bien qui c'est qui va être en face. On n'a aucune garantie dans le truc pour ne pas se retrouver en face avec les gens d'Airbus, les gens des grandes entreprises de la région qui vont venir défendre leurs intérêts non, contre 4 étudiants et contre 8 profs désarmés sans aucun rapport ça. De force. Moi, je ne peux pas vous laisser dans la lecture. Dans la lecture du dossier, c'est-à-dire que nous, on va pas lecture du dossier, on a une lecture des rapports de la volonté de mettre en relation les formations et les programmes prioritaires de recherche. Donc on a dit les 6, on y est, de mettre en relation ces éléments-là avec l'activité économique régionale. Mais l'activité économique, c'est pas qu'Airbus, bon Dieu, c'est aussi les collectivités, c'est les associations, c'est l'économie sociale et solidaire. Enfin, pourquoi vous Oui, mais sauf que on en revient là, c'est-à-dire que la politique de recherche, par exemple, quoi, les financements en question, ils vont être subordonnés à quels intérêts? À quels intérêts ils vont être subordonnés? Je te redis, si tu lis la stratégie scientifique, il y a effectivement les 6 axes dont tu parles. Voilà. Regarde ce qui est écrit. Soutien à toutes les disciplines sans finalisation. Soutien, ça ne veut rien dire. Ben, soutien financier, c'est marqué. Il y a des sous, c'est marqué. D'accord, mais à quel montant, sur combien d'années, pour garantir quoi? Tu l'as le montant. Mais regarde-le, écoute. Ça, on n'a jamais d'assurance. Non, mais vraiment. Et puis, écoute, c'est un problème. C'est un problème. Oui, c'est un problème, mais ce n'est pas d'être dans l'IDEX ou pas qu'il le réglera, ce problème-là. Il y a longtemps. Non, le problème, c'est les financements parallèles conditionnés. C'est ça, l'IDEX. Et après, le chantage à modifier la structure des universités. Qu'est-ce qui ne va pas dans le fonctionnement des universités actuelles? La recherche, elle fonctionne sur des logiques contractuelles depuis très, très longtemps. Ce n'est pas lié à l'IDEX. Tu sais très bien ce que c'est que le budget d'un labo. Tu sais très bien. Je connais l'ANR, je connais les logiques salariales, etc. Il n'y a pas de problème. Et je les dénonce aussi. Mais on est d'accord. L'ANR est un problème. Mais on peut partager. Qui est-ce qui porte, y compris la demande qu'on revienne à des financements récurrents? Il y a très longtemps, on l'a porté aux assises, etc. Qu'est-ce qui se passe? On reste sur un modèle de financement, de contractualisation. Et quand même, fais confiance aux chercheurs pour savoir aussi développer les ruses et une capacité à négocier des moyens sans pour autant vendre leur âme. Enfin, franchement, mais c'est pas une question de dame. Mais si, mais leur âme, qu'est-ce qu'on au fait sens, derrière sont pas vendus aux qu'est-ce qu'on leur fait faire aux doctorants capital, voilà. C'est ça la question. Enfin, ne me dis pas c'est ça que, la question. Ne me dis pas que les thèses, enfin, quand même. Aujourd'hui, par exemple, au CNRS à Paul Sabatier, d'accord, un chercheur titulaire, aujourd'hui, il a recours tous les mois à des Master 1, des Master 2 pour faire les manipulations pour sa recherche. Voilà, parce qu'il n'a plus le temps de le faire. Parce qu'il fait quoi, le chercheur, pendant ce temps-là? Il va chercher de l'argent. Il remplit des dossiers, il va dans des colloques, on a jamais dit il va dans des réunions, mais il gratte de la thune. Mais je suis d'accord avec toi. Un chercheur, aujourd'hui, il cherche de la thune. Mais je suis il ne cherche d'accord plus avec toi. Du Est-ce savoir scientifique. Et c'est un problème. Est-ce que c'est et l'IDEX, c'est la même logique. Mais écoute, ce problème-là, c'est l'ANR et tous les programmes, il y a longtemps qu'on est dans... Ce n'est pas l'IDEX qui va... Mais ça renforce, c'est, pas... c'est la même logique. Et en plus de ça, c'est conditionné à une modification de la structure des universités. Avant, on l'avait pas. Comment on faisait? Il y a eu des créations de postes. Il y a eu des créations de postes. Combien de créations de postes depuis les 3 millions par an de l'IDEX à l'UT2? Contrairement à ce que tu penses, justement, probablement que le régime de contraintes sur les fonds IDEX pour le chercheur seront moindres que le régime de contraintes qui existe aujourd'hui sur l'ANR. Voilà. Parce que le dispositif d'allocation des moyens, il nous appartient. Ce n'est pas l'ANR qui va le décider. C'est la il vous appartient moyennement, puisque dans la nouvelle structuration, l'organigramme, il y a le conseil, le conseil stratégique, le conseil de l'IDEX, un VP IDEX qui est élu par personne. Bon, mais écoute, ça, comment on va faire? On est prêt à en discuter. Il y a aussi des logiques bottom-up avec une capacité décommunautaire à s'en saisir. Ce n'est pas simplement un machin qui tombe là-dessus. Ce n'est pas le régime de l'ANR. Sauf qu'il y a des intérêts contradictoires dans cette communauté-là. Dans la vie, il y a toujours des intérêts contradictoires. Mais ça, c'est pas très bien. Nous, on fait le choix de se battre contre les gens qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Allez, on arrête là pour le moment, mais on reprendra. Allez. Bonjour Monsieur Dupuis, est-ce que je pourrais avoir votre avis sur la fusion, s'il vous plaît ? À mon avis sur la fusion, c'est non. Voilà. C'est très clair. On estime que c'est un projet extrêmement dangereux pour notre université, mais je ne décontextualise pas notre université du reste de ce qui se produit en France. Alors il ne faut pas se tromper, il y a deux aspects, deux visages dans cette opération. Ici, on est en train de fusionner deux universités, un peu sur le mode du mariage forcé d'ailleurs, hein. On n'a pas envie d'y aller, ça se sent bien, on ne peut pas dire que ce projet emporte adhésion générale. Bon, mais on veut fusionner pourquoi ? Pour créer un monstre, une espèce de mastodonte universitaire, là, qui sera de toute façon ingérable, qui sera une hyperstructure, dont on ne voit pas très très bien en quoi elle pourra servir la cause de l'université en général. Mais derrière cela, il y a le phénomène en France en général, et qui est exactement le contraire, si vous voulez. Au fur et à mesure qu'on crée ces mastodontes-là, on démembre l'université française. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des établissements qui seront chacun sur un statut dérogatoire. Chaque université pourra faire sa loi, recruter comme elle le voudra, qui elle le voudra, sur le mode qu'elle voudra. Donc, on casse le système universitaire. La continuité territoriale de l'université, l'unité territoriale, pardon, l'équivalence des diplômes, etc. L'université française, si on va jusqu'au bout de la réforme, elle n'existera plus. Voilà. Et ça, il faut être parfaitement conscient de ça. Et ça, c'est un projet qui s'inscrit dans une idéologie qu'on ne connaît que trop bien, et même si les termes peuvent choquer, ça s'appelle le néolibéralisme. Et c'est un projet idéologique extrêmement nocif. Il s'est attaqué au système économique en général, on sait avec quels dégâts, et aujourd'hui, il s'attaque, enfin aujourd'hui, depuis déjà un certain temps, il s'attaque à tout ce qui est le domaine public, si vous voulez, les services publics. On fragmente les choses dans les transports, dans les hôpitaux, à l'école, à l'université. Voilà, on casse, on segmente et on met chaque segment en compétition avec les autres segments. Et ça, c'est extrêmement... Ça, on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas. Moi, je ne suis pas à l'université pour jouer dans la compétition internationale contre d'autres universités et servir les intérêts particuliers de quelques-uns contre les autres. Je suis là pour produire du savoir et diffuser du savoir et former des étudiants. Voilà. Ma mission, elle est là. Et que répondez-vous à ceux qui disent que c'est trop tard pour lutter et que maintenant, il faut prendre le train en marche ? Non, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard ? Non. Et ce qui a été voté peut être dévoté. Ouais. Voilà. Et ce que nous essayons de faire, c'est précisément d'agir au niveau qu'est le nôtre. Vous avez souligné que j'étais au CA, j'y suis, oui. Et on agira à ce niveau-là pour faire en sorte que ce qui est passé sur le mode d'une... Bon, voilà, d'une trahison, hein, disons-le, voilà, puisse être défait. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Bah, je pense que j'en ai dit assez, hein. Voilà. Je vous remercie alors. Je vous en prie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de l'AG de ce matin du personnel ? Oui, l'AG de ce matin du personnel a discuté des modalités de grève. Déjà, elle a revoté la grève jusqu'à demain soir, vendredi. Et puis, elle a discuté surtout des examens, ouais, de la tenue ou pas des examens. Donc, on a au final décidé que le mouvement de grève continuait à la rentrée, mais sous d'autres modalités, en préservant les examens. D'accord. Donc, a priori, il n'y a pas de modalité d'action sur les... Parce qu'on s'est aperçu qu'une majorité d'enseignants tenaient leurs cours, faisaient passer leurs examens, que les personnels BIATS étaient en porte-à-faux par rapport à ça. Même s'ils étaient déclarés grévistes, ils avaient mauvaise... disons, mauvaise conscience de ne pas préparer les examens. La majorité des étudiants, on le pense aussi, veulent passer leurs examens. Donc pour ne pas cliver la communauté universitaire, on a décidé de ne pas mettre la pression sur les examens. Est-ce qu'on peut voir ça comme un échec de la mobilisation ? Non, pas du tout. Ce n'est pas un échec, ce sont des modalités différentes. On fera quand même des rassemblements, des actions. À la fin des examens, le mouvement reprendra de plus belle. Voilà. Selon quelle modalité, du coup, grève encore ? Grève qui, on va essayer de mener de manière assez forte à la fin des examens. Ouais. Je vous remercie. Est-ce que je peux savoir votre nom ? Oui, Jean-Luc Brett-Diba, je suis enseignant en psychologie. Et représentant du personnel. Et représentant syndiqué SNESUP. Très bien, je vous remercie. Voilà.